c'est pas de veine. Le jukebox est en panne. Quelle fin de semaine. Tu parles d'une cabane. Pour avoir de la musique, on est là tous les copains autour de l'appareil mécanique et des sous-pleins les mains. Le jukebox est en panne. Triste fin de semaine. Vraiment, c'est pas de peine. Faut changer de cabane. Ne partez pas, nous dit Loulou. Refilez-moi tous vos sous, je vais faire votre bonheur. Le jukebox est en panne. Mais je connais tout par cœur. Ah chouette, c'est de la veine. La Loulou nous dépanne. Fais-nous Francky Lane ou Sarah Vaughan. Dans le solo trombone, Kidori et moi jazz band. À la clarinette, tu nous étonnes. Tampon Benny Goodman. Le jukebox est en panne. Panne, panne, mais on a de la veine. Loulou, quelle aubaine. Tu es tout un programme. Ne flanche pas, chante-nous tout. On a encore des sous, tu peux faire notre bonheur. Le jukebox est en panne. Mais tu sais tout par cœur. Arrive là, allons, ne nous lâche pas, que dis-tu? T'as plus de voix, ah, c'est foutu, quelle cabane. La Loulou est en panne, la Loulou est en panne, la Loulou est en panne.